إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence notre cours aujourd'hui, le cours numéro 43 dans l'explication de Sharh al-Usul al-Thalatha du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé donc à la partie où le Cheikh explique justement que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite s'est installé à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné le reste des principes et des règles et des piliers de l'islam après la hijra. Et il explique que la religion, elle a été complétée et parfaite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il mentionne le verset Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Donc ça c'est la preuve. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé de l'islam comme religion pour vous. Donc la religion, elle a été complétée. Et le Cheikh Al-Fawzan, il donne des commentaires à ce sujet-là. Et il explique que la religion, elle est complète et elle est parfaite jusqu'à la fin des temps. Et que on est capable, à partir du Coran et de la Sunna, d'extraire des principes et des règles qui sont valables jusqu'à la fin des temps. Donc on n'a pas besoin d'un autre messager, de notre prophète, de notre sharia pour venir compléter cette sharia. Elle est déjà complète. Et s'il y a un manque ou une déficience dans notre science, c'est ça ce qui fait qu'on peut s'imaginer parfois qu'il y a des manques. Mais sinon, le manque, il est en nous-mêmes, mais il n'est pas en la sharia d'Allah. Donc le cheikh, il explique ce principe-là, et que ceux qui pensent que la période maintenant, on est dans une époque qui est moderne, une époque où les gens sont évolués et que maintenant donc on n'a plus besoin de cette charia, que c'est fini maintenant, il faut appliquer des lois fabriquées par les êtres humains ou des choses de ce genre, eh bien ça c'est une chose qui est réfutée par le verset, puisque la charia elle est complète et ça c'est la preuve que elle est parfaite jusqu'à la fin des temps et qu'elle est il est obligatoire de l'appliquer jusqu'à la fin des temps. Et le cheikh il dit ensuite قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور من عندهم هم ففيها رد على من اتهم الشريعة بالنقص وأنها لم تتناول حاجات العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 59 dans Surat al-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Et le fait de ramener la divergence à Allah, c'est de le ramener au livre d'Allah, au Coran, et de le ramener au messager ça, après sa mort, cela signifie de le ramener à sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Le verset 10 dans surat al-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et peu importe la chose au sujet de laquelle vous divergez, alors sachez que son verdict il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah qu'appartient d'en juger. Et il mentionne par la suite, il dit donc ce verset, dans ce verset il y a la réponse à ceux qui accusent la charia d'être d'être déficiente ou d'être insuffisante parmi les athées et parmi les hérétiques et parmi les soi-disant intellectuels qui ont une compréhension limitée des secrets et une compréhension déficiente par rapport aux secrets de cette charia et des fondements de cette charia. Et ils attribuent à la charia la déficience et le manque, et ils n'ont pas su en réalité que cette déficience et ce manque il est en eux-mêmes. Et il y a donc dans ce verset et dans cette explication une réponse et une réfutation à toute personne qui accuse la charia d'être incomplète ou d'être déficiente ou d'être manquante. Et pour expliquer que par rapport à ceux qui accusent la charia de ne pas traiter de tous les aspects des besoins des serviteurs et de tous les intérêts et les bienfaits que les hommes ont besoin jusqu'à la venue de l'heure du jugement dernier. Donc ça c'est un point qui est très important pour chaque musulman de le comprendre, parce que surtout à notre époque on est attaqué par des soi-disant gens qui se disent musulmans mais qui sont laïcs ou athées, ou bien qui sont parfois communistes ou socialistes, ou qui croient en différentes idéologies ou systèmes qui ont été fondés et établis par les juifs et les chrétiens et par les athées dans les sociétés occidentales, et qui ont propagé ces idéologies-là parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Et certains d'entre les musulmans qui ont une faible compréhension de l'islam et de l'ignorance et de l'innovation dans leur cœur et de l'égarement dans le cœur, lorsqu'ils ont entendu ces idéologies-là et lorsqu'ils ont vu, on va dire parfois, l'avancement technologique chez les koufars, eh bien, ils se sont imaginés que ces choses-là étaient bonnes et ils n'ont pas pris en considération leur égarement sur le plan de la religion et sur le plan du comportement et de la aqidah et du khuluq. Et ils ont été séduits par ces voies-là et ils les ont suivis là-dedans. Et ils ont commencé à regarder la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala avec dédain, et a commencé à dénigrer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa charia, et à suivre les passions et les désirs des égarés et des ennemis de l'islam. Et donc, à cause de ça, ils ont commencé à appeler à l'intérieur de l'islam, parfois au nom de l'islam, à des idéologies opposées à l'islam. Et il y en a parmi eux qui sont ouvertement laïcs et qui détestent la charia et qui le disent ouvertement et qui l'expriment explicitement, tandis qu'il y en a d'autres qui ne le disent pas ouvertement, mais qui essaient de déformer l'islam, les versets qui sont dans le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en donnant au texte une nouvelle interprétation pour essayer d'adapter l'islam à des idéologies de kufr comme la démocratie et les droits de l'homme et la laïcité, et ou bien le socialisme, le communisme ou d'autres systèmes de kufr de ce genre. Et étant donné que beaucoup de musulmans n'ont pas étudié le tawhid et les fondements de la charia et les fondements de la aqida, ils s'imaginent et ils pensent que ce genre d'idéologies ne sont pas en contradiction avec l'islam. Hein? Donc ça c'est une des causes et un des plus grands malheurs à notre époque. Hein? Ensuite le cheikh il dit أو قال إنها مخصوصة بالزمان الأول لأن كثيرا من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قالوا هذا زمان الرسول والزمان الأول أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور والأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا لمشاكل انتهت يقولون هذا وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أكمل الله الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل من الناس. Donc le cheikh il explique, il dit que parmi ces gens-là qui s'opposent maintenant à la charia et qui accusent la charia d'être insuffisante pour les besoins de l'homme, il y en a d'entre eux qui, comme je disais tout à l'heure, ils prétendent que la charia était spécifique à l'époque première, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des premiers musulmans. Hein, parce que beaucoup d'entre les ignorants aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, si tu leur mentionnes le verdict de la charia à propos de quelque chose, ils disent, c'était pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les premiers temps. Aujourd'hui, maintenant, les situations ont changé et les choses ont changé maintenant, et donc ces règles de la charia maintenant, elles ne s'appliquent plus. C'était pour des gens qui vivaient à l'époque ou des problèmes qui existaient à cette époque-là. Maintenant, on a de nouveaux problèmes, nouvelles situations, nouvelle époque, et donc maintenant c'est fini. Le cheikh il dit يقولون هذا وهذا كفر بالله وتكذيب. Donc ils disent cette parole, mais cette parole est une parole de mécréance, de kufr à Allah subhanahu wa ta'ala, et une forme de négation et c'est une forme de négation de takdhib. C'est comme s'il démente ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'il dit qu'il a complété pour nous notre religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a complété sa religion pour cette umma jusqu'au jour de la résurrection, et qu'elle est valable pour toute époque, hein, et pour tout endroit, et pour toutes les générations des hommes à venir. Hein? Et je me souviens, yani, subhanallah, si tu regardes par exemple lorsqu'on avait des discussions parfois avec des juifs ou avec des chrétiens, hein, on discutait avec eux au sujet justement des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des lois que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées dans sa révélation, même dans les livres des chrétiens et des juifs aujourd'hui qui sont présentes, hein, des lois qui sont présentes même chez les juifs et chez les chrétiens. Et on leur posait la question et on leur disait, qu'est-ce qui fait que vous n'appliquez plus ces lois-là maintenant, alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a clairement révélées même dans votre livre aujourd'hui? Si on ouvre la Bible aujourd'hui, on sait que c'est un livre qui a été falsifié et qui a été changé par les hommes, par les moines et les rabbins, mais malgré tout, si on regarde dedans aujourd'hui, on va encore trouver dedans des versets qui mentionnent les règles d'Allah et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont encore là dedans et qui confirment, hein, et qui viennent affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on leur demande, mais pourquoi vous appliquez plus ces lois aujourd'hui, hein, et pourquoi on n'applique plus ces règles qui sont mentionnées, comme par exemple l'interdiction du porc et le fait que le porc est un animal impur? Si vous demandez aux chrétiens aujourd'hui pourquoi vous n'appliquez plus ce verset, ou bien les règles qui ont rapport avec, par exemple, la circoncision pour les hommes, Si vous regardez, par exemple, les chrétiens aujourd'hui ne font plus la circoncision, puisque, hein, malgré que c'était une sunna d'Ibrahim et de tous les prophètes qui ont suivi par la suite. Yani, ou si vous leur posez la question, pourquoi vous n'appliquez pas, par exemple, les peines de la lapidation pour les gens qui commettent l'adultère ou des choses de ce genre, eh bien, ils n'ont pas de réponse à dire, excepté que pour eux, ce qu'ils considèrent à notre époque, c'est que on est des gens maintenant qui sont maintenant évolués, arrivés à une époque moderne. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À une époque moderne, et donc, ils considèrent que on ne peut plus appliquer ces lois-là aujourd'hui et ces règles aujourd'hui, et que yani, c'était pour une époque où les gens étaient primitifs. Hein. Certains vont même jusqu'à dire que c'était pour une époque où les gens étaient primitifs, sauvages, hein, parce qu'on leur a inculqué la notion de l'évolution, et que l'homme vient yani, des singes ou des choses ou qu'ils ont comme parents communs le singe, alors il s'imagine que à l'époque c'était des hommes des cavernes ou des gens qui étaient primitifs et que ils avaient des lois, donc ils avaient besoin de lois qui étaient dures et rigides, hein, et sévères pour eux, comme ils les appellent. Alors que à notre époque, l'homme, selon eux, est arrivé à un niveau d'évolution plus grand et de civilisation plus grande. Et que maintenant, donc, il est plus raffiné, il comprend mieux, il n'a plus besoin de ce genre de loi. Et quand on observe la réalité de ce qui se passe, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'homme aujourd'hui est plus civilisé qu'avant? Et est-ce qu'on peut dire vraiment que l'homme est plus évolué qu'avant? Hein? Donc, tout ça, c'est le but de toutes ces paroles, c'est de rabaisser les messagers d'Allah, de rabaisser les prophètes d'Allah, d'essayer de dénigrer les lois et la révélation qu'Allah a donnée aux hommes qu'on doit suivre. Hein? Parce que toutes les lois que les hommes ont inventées à notre époque, hein, elles n'arrivent pas à l'égalité avec la charia d'Allah. Et ne pourront jamais égaler ou atteindre la perfection et la perfection et la sagesse qui existe dans les lois et les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées à ses messagers. Donc ça, c'est juste pour faire comprendre en fait que les shubuhat que ces gens-là utilisent aujourd'hui parmi les laïcs qui se disent musulmans, ou parmi les athées ou les autres groupes d'égarements qui disent ces genres de paroles, comme les démocrates ou autres, qui veulent voter les lois dans les parlements, puis que ce soit basé toujours sur la majorité et ainsi de suite. Eh bien, ils se basent sur les mêmes shubuhat que les shubuhat de ceux qui, parmi les gens du livre, ont rejeté les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala avant eux. Hein? Et que si tu leur demandes pourquoi vous appliquez plus qu'est-ce qui est écrit dans votre livre aujourd'hui, ils vont dire parce que ça c'était pour les époques, des époques révolues. Ensuite, le cheikh il dit « وَفِيهَا رَدٌ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِينَ يُحْدِثُونَ عِبَادَةً من عند أنفسهم ينسبونها إلى الدين وليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما ابتدعوها باستحساناتهم أو بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين وأصحاب المطامع والشهوات فيحدثون في الدين عبادة ما أنزل الله بها أو فيحدثون في الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il dit, et il y a une réfutation dans cela une réfutation également des gens de bid'a. C'est-à-dire dans le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit aujourd'hui j'ai parachevé, j'ai complété pour vous votre religion, il y a dans ça également une réponse ou une réfutation aux gens de bid'a qui inventent des adorations, qui inventent d'eux-mêmes des adorations dans la religion et qui l'attribuent par la suite à l'islam. Alors que ces choses qu'ils inventent ne sont supportées par aucune preuve du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font que les innover, hein, ce sont des bid'a. Donc ils ne font que les inventer d'eux-mêmes et essayer de les approuver et de faire approuver ces innovations-là aux autres et d'appeler les gens donc à les suivre aveuglément et à approuver ce qu'ils font, hein, et approuver les actions de ceux qu'ils respectent ou de ceux de qui ils ont des bonnes pensées parmi les gens qui inventent des mensonges, parmi les gens qui inventent des mensonges et qui ont des intérêts dans la dunya, qui appellent à leurs intérêts personnels dans la dunya ou bien à leurs désirs personnels. Donc ils inventent des adorations qui n'ont aucune autorité dans la religion d'Allah et qui n'ont aucune preuve dans ce que Allah a révélé, et ils appellent les gens à suivre ces choses-là. Comme la bid'a du Mawlid al-Nabawi que les soufis pratiquent à notre époque, ou bien la bid'a des turq soufiyya, ou la bid'a des groupes de bid'a parmi les croyances d'égarement comme les khawarij et les takfir, les gens de takfir, les khawarij, les mu'tazila. Aïna, barakallahu fik. Les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiyya, les groupes de les turq soufiyya, et tous les autres groupes d'égarement parmi les groupes d'égarement comme les rafida, les shi'a, hein, et les différentes sectes comme l'Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, ou bien Jama'at al-Tablir, Hizb al-Tahrir, et tous les autres groupes comme les Qutbiyya et les Sururiyya à notre époque, hein, qui appellent à la bid'a et à l'égarement, et les djihadiyya, les gens qui prétendent faire le djihad, et tous ces autres groupes de bid'a, hein, qui inventent des choses dans la religion d'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre affaire quelque chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. C'est-à-dire, celui qui invente quelque chose dans notre religion, alors cette chose-là, elle sera rejetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde aux choses inventées, hein, dans la religion, parce que toute chose inventée est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. Donc, il n'y a pas d'exception là-dedans pour les bid'a. Il n'y en a pas des bid'a qui sont bonnes et des bid'a qui sont mauvaises. Toutes les bid'a sont mauvaises. Et ceux qui essaient d'utiliser des paroles de certains ulama qui ont classifié les bid'a en différentes catégories, ou qui ont dit qu'il y en a certaines qui sont mauvaises et certaines d'autres qui sont bonnes, c'est parce qu'ils essaient de jouer en fait avec les paroles des ulama pour confondre les gens et les mélanger avec les questions de la religion. Parce que quand ils disent qu'il y a des bonnes bid'a, il ne parle pas des questions d'adoration ou de religion. Il parle uniquement des questions qui ont rapport avec des affaires de la dunya. Des affaires qui sont en dehors de l'adoration, en dehors de la religion, en dehors de la croyance, en dehors des pratiques islamiques et de la sharia. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen de transport? Une voiture, ou un avion, ou un train. Toutes ces choses n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le plan technologique, on peut dire que ce sont des innovations, des bid'as, et elles n'ont rien à voir avec l'adoration. Et donc, le fait de les utiliser, c'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam. Puisque qu'est-ce qu'on interdit parmi les innovations sont les adorations, et les choses qui ont rapport avec la croyance, et les règles qui ont rapport avec la pratique de l'islam. Et non pas les innovations dans les affaires de la dunya, les affaires de la vie, hein, les choses de ce genre. Donc, certains, ils mélangent entre les deux, hein, ils mélangent entre les deux et ils essaient de faire croire aux gens que, les innovations dans la dunya, c'est la même chose que les innovations dans la religion. Donc, il faut distinguer entre ces choses-là. Et quand les ulama disent qu'il y a une bonne bid'a, c'est dans les affaires de la dunya. Et non pas dans les affaires de la religion. فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متهم لهذا متهم لهذا الدين بعدم التمام وهو يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا فهذا رد على هذه الطائفة. Donc le cheikh il dit, donc celui qui invente des adorations qui n'ont aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, alors c'est comme s'il est en train d'accuser cette religion de ne pas être complète. Et il veut compléter la religion de lui-même. Et c'est comme s'il ne reconnaissait pas que Allah avait complété la religion d'Allah, hein, sa religion. Donc, ce qui n'était pas un élément de la religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça ne fera pas partie de la religion après lui. Hein, et ça ne fera pas jamais partie de l'islam. Et il y a donc dans ce verset une réponse à ces groupes-là qui inventent des innovations dans la religion. Et cette semaine, justement, j'ai rencontré deux d'entre les gens de Jamaat Tabligh ici à Montréal qui viennent d'un des pays musulmans. Et quand ils m'ont rencontré, j'étais avec un frère et on a commencé à discuter ensemble parce qu'ils voulaient nous poser des questions et discuter avec nous. Et puis, quand je leur ai posé la question, sur la question comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la da'wah. Hein? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la da'wah. Et je leur ai donné des exemples, avec l'exemple de Mu'adh ibn Jabal quand il est parti au Yémen, et des choses de ce genre. Et je leur ai expliqué d'autres aspects de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique comment faire la da'wah. Donc je leur ai dit, si quelqu'un fait la da'wah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné à Mu'adh ibn Jabal ou à d'autres d'entre les sahaba à l'époque, lorsqu'il a envoyé Ali radiallahu anhu pour faire la da'wah et ainsi de suite, est-ce qu'il n'est pas en train de faire la da'wah, hein? Même s'il ne suit pas l'exemple de Muhammad Elias, hein? Vous allez dire qu'il ne fait pas la da'wah, parce que pour vous faire la da'wah c'est de suivre l'exemple de Muhammad Elias, hein? Et eux ils prétendent que Muhammad Elias et sa méthode était inspirée de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la vie des sahaba. Alors je dis non, c'est faux. Elle n'est pas basée sur le Coran et la sunna, ni sur l'exemple des sahaba. Et beaucoup d'exemples qu'il ramène des sahaba sont des exemples qui ne sont pas authentiques. Hein? Et il m'a donné un exemple de ça, justement, il m'a mentionné une parole, hein, qu'il a attribuée à Abu Bakr Siddiq. Et pour lui montrer l'exemple, je lui ai prouvé l'exemple en lui mentionnant justement cette parole que tu m'as mentionnée à propos de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Est-ce que tu peux me dire de quelle référence elle vient et son authenticité? Et il a dit, je l'ai entendu comme ça, mais je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Je lui ai dit, bon, comment tu peux dans ce cas-là prétendre des choses, dire des choses sur Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, tu sais pas d'où elle vient, tu sais même pas si elle est authentique. Alors dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas le dire, surtout quand c'est des choses qui sont bizarres. Hein? Et il était en train de me dire que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il a dit, qui est meilleur entre moi et la chèvre? Il a dit, la chèvre, elle est meilleure que moi. Ou bien la chèvre, elle est meilleure que moi si je ne meurs pas sur l'islam et la religion d'Allah ou des choses de ce genre. Ou sur la foi. Et allez, subhanallah, c'est quoi ce genre de parole? Est-ce qu'Abu Bakr Siddiq va dire des paroles comme ça, se comparer avec un bouc ou une chèvre? Des gens comme qui ramènent des histoires et qui ne savent même pas d'où ces histoires-là viennent. Est-ce qu'elles sont authentiques ou non? Juste dans le but de faire... d'affecter les gens, de faire réagir les gens. Ça, c'est pas de la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment faire la da'wa. Et Allah, il dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Quand je leur ai demandé l'explication de Jamaat Tabligh sur la ilaha illallah, ils m'ont expliqué que c'est d'enlever les fausses croyances du cœur et de faire rentrer la certitude dans le cœur que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître et le contrôle sur tout et des choses de ce genre. Mais c'est pas ça la ilaha illallah. Ça c'est tawhid al-rububiyya seulement. Mais où est-ce qu'il est tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, il est où? Et eux, ils ne connaissent pas tawhid al-ibada. Donc, j'ai essayé de leur expliquer que la base de la da'wah, ça doit être au tawhid. Mais eux, ils n'en ont pas de conscience de ça. Et justement, une de leurs mosquées à Montréal, où il y a les gens qui viennent d'un de ces pays-là, où il y a beaucoup de gens de Jamaat Tabligh, ils l'appellent, le nom de la mosquée, c'est le nom d'un de leurs saints qu'ils adorent dans ce pays-là. Et ils ont construit comme un genre d'oratoire ou une mausolée ou un endroit où ils vont là-bas pour l'adorer. Ils font des pèlerinages là-bas, donc ils le prennent comme un dieu. Donc j'ai dit, mais subhanallah, vous savez ça et vous acceptez ce genre de choses-là, vous ne faites pas la da'wah à ces gens-là. Donc, comment vous pouvez prétendre être en train de faire la da'wah, hein? Vous appelez les gens au bon comportement, mais vous les laissez faire le shirk. Ça, c'est la religion renversée, hein? C'est pas la religion d'Allah. Ça, c'est la religion d'Allah. C'est pas la religion d'Allah, c'est la religion d'Allah mise à l'envers. Ça veut dire que c'est plus la religion d'Allah maintenant. Tu commences par la fin. Hein? Tu commences par la fin, tu laisses le plus important. نسأل الله العافية. Ensuite le cheikh il dit الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان أو الذين يبتدعون البدع المحدثات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين. ففي هذه الآية رد عليهم لأن الدين أكمله الله سبحانه وتعالى فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان ولا مجال للتشكيك والتلبيس بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر. اليوم أكملت لكم دينكم, هذا كلام الله سبحانه وتعالى, وهو أصدق القائلين. قال تعالى وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا آخر ما نزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم, وهو شهادة من رب العالمين لهذا الدين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. Donc le cheikh il explique que dans ce verset, comme on a expliqué, il y a la réponse aux deux groupes. Le premier groupe qui essaie de prétendre que l'islam n'est pas adapté à notre époque ou à chaque époque et qu'il faut le modifier, hein, et comme certains soi-disant à notre époque comme Tariq Ramadan maintenant qui est en train de dire aux gens parmi les koufars et qu'il dit aux koufars et aux musulmans il faut faire une relecture de l'islam, faut faire une relecture de l'islam, et quand les koufars ils lui posent des questions au sujet des musulmans pour savoir, mais comment ça se fait que les musulmans, ils n'ont pas changé maintenant, ils sont en France depuis combien d'années maintenant, comment ça se fait qu'ils ne sont pas maintenant devenus comme des Français, et qu'ils n'ont pas maintenant été intégrés plus que ça, que les femmes commencent à porter maintenant le djilbab et se couvrir le visage, après toutes ces années, et puis Tariq Ramadan qui répond à ces gens-là, qui dit, non mais je suis en train de faire un travail d'éducation, pour essayer de les changer petit à petit. Je ne peux pas les changer d'un seul coup. Hein? Comme s'il est en train de dire aux koufars, laissez-moi faire votre travail. Laissez-moi changer les musulmans pour qu'ils soient comme vous voulez qu'ils soient. Hein? Pour qu'ils soient adaptés à votre société, avec les valeurs de l'Occident. Mais à la saveur islamique, soi-disant. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de déformer l'essence de l'islam pour les interpréter à la lumière de la société occidentale. Hein? Et ça, c'est d'essayer de travestir l'islam. De travestir l'islam. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Hassan? Tu es allé acheter des livres? Qu'est-ce que tu as acheté? Ah, mashallah, barakallah fik. C'est à Beyrouth, là-bas. Ouais, Dar al-Kutub al-Ilmiya. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction dedans, mais bon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide avec ce livre et puis que tu en profites. Ouais, c'est ça, des fois. Parce que Dar al-Kutub al-Ilmiya, Dar al-Fikr, des fois c'est des mauvaises traductions. Ils font pas très attention parfois à la façon dont ils traduisent. C'est des gens qui traduisent parfois, on sait pas. Mais c'est juste des fois c'est des traducteurs professionnels, sauf que ils connaissent pas bien l'islam. Allahu a'lam, je les connais pas personnellement, mais c'est juste d'après ce que j'ai observé en lisant leurs traductions, parfois je trouve beaucoup d'erreurs dedans. Faut faire attention, yani. Donc oui, donc comme on disait, il y a ce premier groupe là qui veut déformer l'islam. Puis il y a les autres, les gens de bid'ah, qui inventent des innovations dans la religion, qui n'ont pas de preuves du Coran et de la Sunna, et qu'ils essaient de les attribuer à la religion. Donc dans ce verset, il y a une réfutation de ces deux groupes-là. Parce qu'Allah, il a complété sa religion. Donc il n'y a pas de place pour l'ajout dedans. Et il n'y a pas de place non plus pour le retrait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter, puis on ne peut pas enlever dans cette religion-là. Et il n'y a pas de place non plus pour les doutes et les ambiguïtés. Et essayer de mélanger la vérité et le faux. En disant aux gens que la religion d'Allah, elle est vraie. Et les règles d'Allah, elles sont vraies. Sauf qu'elles s'appliquent seulement aux premiers musulmans. Et aux premières époques. Elles s'appliquent plus à notre époque aujourd'hui. Ça, celui qui dit ça, il a contredit le verset. Aujourd'hui, j'ai complété ma religion pour vous. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus véridique de tous ceux qui parlent. Hein? Il a la parole la plus véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il a, il a parachevé sa grâce sur nous et il a agréé de l'islam comme religion pour nous. Et ça, c'est le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le dernier verset qui a été révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un témoignage de la part du Seigneur des mondes que cette religion là elle a été complète, qu'elle est appropriée et qu'elle s'applique à toute époque et en tout lieu sans exception, hein? Et comme on a dit au dernier cours, c'est pas seulement au premier temps ou au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis que par la suite on est arrivé au 20e siècle, il faut maintenant réinterpréter l'islam ou changer l'islam. L'islam, il est déjà complet et parfait. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit, « فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى خِطَابٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا وَلَيْسَ خِطَابًا لِلْجَيْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَإِنَّمَا هُوَ خِطَابٌ لِكُلِّ الْأُمَّةِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومُ السَّاعَةِ » Donc, il dit que ce verset, c'est une parole dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toute la Ummah en entier, du début jusqu'à la fin. La Ummah, c'est pas juste la Ummah qui existe à l'époque dans laquelle on vit nous. La Ummah, c'est la Ummah depuis la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jugement dernier. Tout ça, c'est la Ummah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse pas seulement à la partie de la Ummah qui vivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse à la Ummah qui s'étend dans le temps, hein, qui s'étend dans le temps, c'est-à-dire il s'adresse à ceux qui étaient là à l'époque et il s'adresse à ceux qui sont maintenant aujourd'hui et qui seront là, ceux qui seront là après nous par la suite jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Hein, surtout à notre époque, avec les gens qui appellent aujourd'hui à la laïcité, hein, puis à toutes sortes d'idées démocrates et des trucs de ce genre maintenant. Et surtout avec les manifestations qu'on a vu apparaître dans les pays arabes, qu'il y a des gens maintenant qui se lèvent pour demander l'application de la démocratie et des trucs de ce genre, au nom de l'islam, hein, eh bien, c'est très important pour les musulmans de clarifier que ces choses-là sont en opposition avec la religion d'Allah. Et qu'elles n'ont pas de place dans l'islam. Et il y a des ulamas justement qui ont clarifié, qui ont mentionné que ça, c'est très important de l'expliquer aux musulmans. Sinon, les gens sont confus et mélangés. Et quand tu dis aux musulmans, la démocratie et la laïcité, c'est contraire à l'islam, les musulmans, ils te regardent avec les yeux ronds comme ça, grands comme si, qu'est-ce qu'il a dit celui-là, comme s'il a dit un gros scandale. Alors que c'est des choses de base de la religion de l'islam, que si t'as pas compris ça, t'as pas compris la ilaha illallah. Si t'as pas compris ça, c'est pour ça, c'est étonnant des fois de voir à quel point les gens sont confus dans des choses, alors que c'est des choses élémentaires. Hein? Allahu a'lam, ça c'est des trucs qu'ils disent dans les médias, puis Allahu a'lam, qu'est-ce qui est vrai dans ça? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que les ulama, eux, ils disent. Et qu'est-ce qui est clair dans les paroles des ulama, et avec les preuves qu'ils mentionnent du Coran et de la Sunna, et avec les clarifications des paroles des salaf au sujet de ces questions-là. Et les ulama, ils ont expliqué ça et ils ont clarifié le hukm au sujet de ces choses. Donc quelqu'un ne peut pas venir essayer de mélanger les gens avec ces histoires pour essayer de ramener des shubuhat. S'il y a des choses qui se passent qui sont contraires au Coran et à la Sunna, c'est certain qu'il y a quand même un shir qui va répondre à ces gens-là et qui vont clarifier la vérité à ce sujet-là. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Oui, Hassan al... En fait, Hassan al-Banna, il a donné une de ses filles à un gars qui s'appelait Saïd Ramadan. Une de ses filles de Hassan al-Banna est mariée avec un homme qui s'appelle Saïd Ramadan. C'est lui le père de Tariq Ramadan. Donc, il est le petit-fils de Hassan al-Banna par sa fille. Ça, en fait, la mère de Tariq Ramadan, c'est la fille de Hassan al-Banna. Oui, c'est son petit-fils, exact. Donc, ils ont un lien de parenté. Mais justement, lui, il utilise ça pour se donner une crédibilité. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Pour se donner crédibilité, mais en particulier chez les Hizbiyin, parce que les Hizbiyin qui suivent Hassan al-Banna, eh bien, pour eux, c'est un guide, un modèle, un imam. Hein? Pour nous c'est un imam de la bid'a, mais pour eux c'est un imam dans la guidance. Ils pensent qu'il est droit, ils pensent qu'il était bien guidé. Et lui, même si d'une certaine façon il prétend qu'il ne fait pas partie des frères musulmans, mais d'un autre côté il dit qu'il n'y a rien dans les idées de Hassan al-Banna qu'il rejette. Donc il approuve de tout de ce que Hassan al-Banna dit. Et donc ça c'est la preuve que déjà il est avec eux à 100%. Ah, ok, ouais. Il suit la même voie que ces gens-là. Allah musta'an. Le cheikh, il dit, « وَأَمَّا الْإِجْمَعَ فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّ عَلَى وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Parce que le cheikh, ensuite, donc on a... Ouais, c'est ça. Il dit, en ce qui concerne l'ijma', c'est-à-dire qu'il y a un consensus sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Et... Le cheikh il dit وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إِلَّا الْمُخَرِّفُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الرَّسُولَ مَا مَاتْ وَيَنْفُونَ الْمَوْتْ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام ساقط وكلام مردود واضح يرده الحس والواقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام. هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان حي؟ عمل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات، غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن في قبره صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من قبله، وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله ويقولون هو حي. Donc, le cheikh il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم, tous les musulmans, toute la umma, les savants de la umma, ils sont tous

Donc celui qui va mourir ou qui est en train de mourir, on dit il est mayyit. Mais celui qui est déjà mort, on ne dit pas qu'il est mayyit, on dit qu'il est mayt. Hein? Ça, le shadda sur le ya. Donc, comme dans le verset 122, dans surat al-An'am, أو من كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه. Est-ce que celui qui était mort puis qu'on a fait revivre, donc الميت c'est lui, يعني الميت هو الذي فارقت روحه جسده. Oui, je pense qu'ils ont inversé ici. الميت ici c'est plutôt, ce serait الميت, c'est lui qui est déjà mort. Et Al-Mayyit, c'est lui qui va mourir dans l'avenir. C'est ça. Parce que ils ont mis un sukun sur le ya dans le deuxième. Ouais. Ouais, alors que c'est l'inverse, en tout cas. Des fois, il y a des fautes d'impression comme ça, peut-être. Allahu a'lam. Ok. C'est pour ça, des fois, les ulama disent toujours, il ne faut pas se baser sur les livres seulement. Si tu te bases sur les livres seulement, et que tu te bases pas sur ce que les ulama ont expliqué, tu risques de faire des erreurs facilement. Avec des fautes de frappe, des fautes d'imprimerie, des fautes de trucs comme ça. Des fois, une lettre, ça change tout le mot. Une haraka, un sukun au lieu de shadda, et puis ça change. Hein? Le cheikh il dit khatimatul iman bil ba'th, donc la conclusion de la foi en la résurrection. Wan nasu idha matu yub'athun, wad dalil qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Le verset 55 dans sourate Taha, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est de là qu'on vous a fait sortir et c'est là qu'on va vous faire retourner et qu'on va vous faire ressortir encore une fois. Hein? Donc en parlant de la mort et de la résurrection. Et donc ça c'est lorsque les gens vont mourir, ils vont être ressuscités. Ça fait partie de la foi en la résurrection. Le cheikh Al-Fawzan il dit intaqala ila aslin akhar wa huwa al-iman bil ba's, ay annahu laysa al-murad maut laysa al-murad maut faqat. نحن علمنا والكل يعلم حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت لا أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوس لكل لكن الشأن في البعث بعد الموت هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار البعث بعد الموت وهو إعادة الأجسام التي تفتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض تعاد وتبنى كما كانت لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها ثم تنفخ فيها الأرواح ثم تتحرك وتسير من القبور إلى المحشر لقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. Donc le cheikh il dit que il est passé maintenant, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est passé à un autre parmi les fondements de la foi, parmi les piliers de la foi, c'est-à-dire la foi en la résurrection. Il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas que on sait seulement que on va mourir, c'est pas ça seulement l'affaire, hein? On sait qu'on va mourir, le cheikh dit, tout le monde sait ça. Même les koufars, ils savent ça. Les athées, les hérétiques, tout le monde savent que la mort, c'est quelque chose, hein, tu ne peux pas t'en échapper. Les hérétiques, az-zanadiqa, c'est comme des gens qui opposent les fondements de l'islam, les principes de la foi, ou les hypocrites, hein. Az-zanadiqa, les hérétiques, c'est des gens qui ramènent des croyances et des idées qui sont en opposition avec les bases de l'islam et qui appellent les gens à suivre ça au nom de l'islam. Il y a disons que c'est, si on veut, on peut dire que c'est des hypocrites, des munafiqoun. Tu vois, donc c'est ça. Et donc, parce qu'en fait, le mot zanadiqa, c'est un mot qui n'est pas arabe à l'origine. C'est un mot qui vient de la langue perse, si je ne me trompe pas. Et c'est apparu à cette, à l'époque, les gens utilisaient ce terme-là, puis c'est resté. C'est devenu un mot arabe par la suite. Ok, zindiq, c'est le singulier, et zanadiqa, c'est le pluriel. D'accord? Mais on l'utilise pour désigner les hypocrites. Les gens qui montrent qu'ils sont musulmans en extérieur, mais qui contredisent l'islam dans leurs actions, dans leurs paroles, et ainsi de suite. Tu vois? Comme par exemple, moi je pourrais te dire, les gens aujourd'hui qui se disent on est musulman, mais ils appellent à la laïcité, par exemple. Tu vois? Ou bien ils appellent à, comme par exemple les ismaélites. Ou bien les drouzes, nos saïris, on les appelle des zanadiqa. Ils expriment des idées complètement opposées à l'islam. Ou des gens qui disent qu'il y a un nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les Ahmadiyya, par exemple, hein, qui croient en Ghulam Ahmad ou des choses comme ça. On dit ça, c'est des kuffars zanadiqa. Tu vois? Sauf que, il y en a qui disent la différence, par contre, c'est que zanadiqa, à chaque fois que tu l'attrapes et qu'il se repent, il revient par la suite à sa mécréance. Par la suite, quand tu le laisses aller, il redevient encore une fois, il appelle encore par la suite à ses idées d'égarement et de coffre. Donc c'est ça la différence. Wallahu a'lam. Le cheikh il dit, donc ils savent tous que la mort c'est une réalité et que c'est quelque chose qui existe. Personne ne nie la mort parce que c'est quelque chose qui est réel, hein, c'est quelque chose qui est, hein, tu peux le voir autour de toi. Quand des gens meurent, quand des gens partent, hein, quelqu'un qui meurt, on prend son corps, on le met dans la terre, on met la terre par-dessus, ça y est. Il va plus revenir par la suite. Donc c'est la preuve qu'il y a des gens qui meurent. Hein, tous ceux qui étaient là puis qui sont plus là aujourd'hui, ça c'est des preuves qu'on meurt. Donc on peut pas nier la mort. Et le cheikh dit, le problème c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est après la mort. C'est là que commence le conflit. C'est là que commence le conflit entre les croyants et les kuffars. La résurrection après la mort, c'est-à-dire le fait que les corps sortent de la terre, reviennent à la vie, après avoir été décomposés par la terre et devenus de la poussière, hein, et complètement décomposés. Allah subhanahu wa ta'ala les fait revenir, il les recrée comme il les a créés la première fois, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de les refaire comme il a été capable de les faire la première fois. Puis il va souffler les âmes de ces corps là à l'intérieur de ces corps encore une fois, puis ils vont commencer à bouger et à se mouvoir de la même manière, ils vont tous se diriger vers de leur tombe vers le lieu de rassemblement pour le jugement dernier. Hein? À cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où parmi les preuves de ça, il y a le verset 43 dans Surat al-Ma'arij, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que ils vont sortir de leur tombe en sortant de leur tombe pour se diriger vers le lieu de rassemblement. Et il dit ensuite wa qala ta'ala yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' la ahad yatakhallaf فهذا البعث حق لا ريب فيه ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل والإيمان بالبعث هو أحد الأركان الستة للإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc dans le verset 7 et 8 dans sourate Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils vont sortir de leur tombe comme des sauterelles éparpillées, et ils vont tous se diriger précipitamment vers celui qui appelle. Et il n'y a personne qui reste en arrière ou qui retarde à l'appel, qui dit non, moi je prends mon temps, non. Tout le monde se précipite et part vite pour arriver. Hein? Et la résurrection, c'est quelque chose qui est véridique. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et si quelqu'un le nie, il a renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il est kafir. Et la foi en la résurrection d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie d'un des piliers de la foi, parmi les 6 piliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Lorsqu'on lui a posé la question au sujet de la foi en Allah, ou au sujet de l'Iman, il a dit que c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection. Et de croire en le qadar, le bien et le mal, de qu'est-ce qu'Allah a prédestiné. Donc la foi en le jour dernier, ça fait partie de qu'est-ce qu'on est en train de parler. Maintenant, la résurrection, ça fait partie. La résurrection fait partie de ce pilier-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim in the house. In the house of Allah. Masha'Allah. Ça va, Jamal? Wa alaykum salam wa rahmatullah. The new generation. La relève. Et Masha'Allah, que Allah les raffermisse. Donc le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu ta'ala wallahu anbatakum min al-ard nabata. Ah non, j'ai pas fini, il reste encore d'autres explications ici. Donc le cheikh il dit, faman lam yu'min bil ba'th wal yawm al-akhir fa huwa fa innahu yakunu kafiran billahi 'azza wa jalla walau shahida bi an la ilaha illa Allah وأن محمدا رسول الله ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل الطاعات فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit, celui qui n'a pas cru en la résurrection et au jour dernier, alors dans ce cas-là c'est un mécréant qui a mécru en Allah, même s'il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, même s'il fait la salat, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il donne la zakat, même s'il fait tous les actes d'obéissance, s'il renie la résurrection ou s'il a des doutes en la résurrection, alors il est mécréant, il est kafir billah. Hein? Pardon, Harry? Ou l'un des autres, exactement. Ou l'un des autres d'entre les piliers de l'islam. De l'islam ou de l'iman. Parce que il y a des gens, en fait, ils comprennent pas ce principe-là. C'est que c'est pas juste de faire les actions, puis que tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, puis tout ça, puis tu fais le hajj, tu fais la salat et tout, tu donnes la zakat, tu dis moi ça y est, je suis un musulman, puis tu prends des éléments de la religion, tu les rejettes, puis tu fais le reste, ça compte pas, c'est pas correct. Hein? Donc ça c'est une chose très très très importante, parce qu'il y a des musulmans comme ça, ils veulent être avec la religion comme ils sont avec les affaires de la dunya. Ils veulent être avec les affaires de la religion comme ils agissent par rapport aux choses de la dunya. Dans les choses de la dunya, des fois tu prends quelque chose, tu laisses d'autres, hein? Tu dis je vais prendre ça, hein? Puis je ne vais pas prendre ça. Oui, ça c'est correct que tu peux faire ça dans les choses de la dunya, pas de problème. Tu fais un programme en médecine, après tu as des choix de cours. Tu as le choix de faire par exemple pharmacologie ou bien de faire d'autres domaines. Hein, biologie ou je sais pas. Ça c'est des choses de la dunya. Si tu acceptes pas ou si tu suis pas tel programme, tu peux suivre un autre. Mais dans les affaires de dîn, non. Tu dois tout accepter, croire en tout. Qu'est-ce qu'Allah t'ordonne? Tu ne peux pas choisir par la suite. Donc le cheikh il dit, وَأَدِلَةُ الْبَعْثِ كَثِيرًا مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ يعني الأرض حينما خلق آدم عليه السلام أبا البشرية وفيها نعيدكم يعني بعد الموت في القبور ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا هو البعث. هذا هو البعث. Donc le Cheikh il dit, ça c'est l'épreuve, parmi les preuves de la résurrection. Mais il y en a beaucoup de preuves à ce sujet-là dans le Coran. Parmi ces preuves, le verset que le Cheikh a mentionné tout à l'heure. Il dit, c'est de là qu'on vous a créé. C'est-à-dire de la terre. Lorsque Allah a créé Adam alayhi salam, il a créé Adam à partir de la terre. Et fiha nu'idukum, c'est-à-dire on va vous faire retourner dans cette terre encore une fois, on va vous faire retourner dans la terre. Lorsque vous allez mourir, on vous enterre, Subhanallah. C'est incroyable comment Allah subhanahu wa ta'ala il a fait ça. Surtout quand tu vas justement assister à des enterrements, tu vois les gens quand on les met leur corps dans la terre. Et surtout pour des enfants, yani. Parce que les enfants, des fois, ils sont, disons, ils comprennent pas tout le temps la réalité de la vie et de la mort, qu'est-ce qui se passe. Pour eux, la vie et la mort, c'est comme tu vis, tu es vivant, puis tu meurs, c'est comme tu disparais, c'est tout comme on te voit plus. Mais ils savent pas qu'est-ce qui t'arrive. C'est-à-dire, ils savent pas qu'on va mettre ton corps, s'ils sont pas allés à une janaza. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne le voit plus la personne, parce que peut-être elle ne vient plus et tout. Mais quand ils viennent à au cimetière, ils voient qu'on met le corps dans la terre et qu'on recouvre le trou par la suite et que, on s'en va, ça y est, la personne n'aura plus la revoir. Pourquoi? Parce qu'on a mis son corps dans la terre, mais c'est parce que son âme, Elle est partie maintenant. C'est-à-dire, les anges ont pris son âme et là, son corps, il est plus vivant. On met son corps dans la terre. Puis, au jour de la résurrection, il va revenir. Des fois, qu'est-ce qu'ils font les gens pour faire aider les enfants par rapport à ça? Des fois, quand ils ont, par exemple, un petit poisson dans un bocal et que le poisson, il bouge plus. Les enfants, ils disent, comment ça se fait, le poisson, il bouge plus, tu vois. Et puis là, ils disent, c'est parce qu'il est mort maintenant. Peu importe qu'est-ce que tu fais pour le faire bouger, il va plus bouger, plus jamais, c'est fini. Pourquoi? Parce que il est mort. Et qu'est-ce qui m'a fait rire une fois à ce sujet-là? Il y a un frère Maïga qui est allé à la pêche. Il est allé pêcher des poissons. Il a dit, c'est étonnant, les poissons. Quand ils sont dans l'eau, puis l'eau est en dessous, la température de l'eau, l'hiver, elle est en dessous de zéro. Puis les poissons, ils nagent dedans. Quand on les sort de l'eau et qu'ils meurent, ils gèlent. ils sont gelés. Alors que si toi, on te jette dans l'eau glacée, puis qu'on te laisse là-bas pendant, on va dire, quelques minutes, tu vas geler, toi. Mais le poisson, il gèle pas dans l'eau glacée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait comme des choses comme ça. Et ça, c'est des choses, quand on réfléchit à ça, on voit la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a créé les choses de façon... Les gens, maintenant, ils sont obligés d'étudier ça scientifiquement pour voir comment ils font pour pas geler, pour pas mourir, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ahsanul khaliqin, le meilleur des créateurs. Donc ça c'est des exemples, et de cette terre il va nous faire sortir, c'est-à-dire il va nous faire sortir au jour de la résurrection. هذه الآية تضمنت البدء والإعادة ومنها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Ce verset, il parle du début de la création et de la, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recrée encore une fois. Il nous refait encore une fois par la suite, après qu'on est mort. Dans ce verset-là, il parle des deux côtés, des deux choses. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis, demain, bi'ifnillah, on va continuer la suite de ce cours. La suite de l'explication à ce sujet, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, si vous voulez, j'ai parlé avec le frère Mohamed et on peut faire le cours après le Maghreb. On va faire de Maghreb jusqu'à 6h30. ok, ou bien peut-être avant, on finit avant peut-être, Allahu a'lam. C'est juste pour dire que on va le faire plus tard, pas comme là aujourd'hui on a fait après l'Asr, demain ça va être après le Maghrib. Pourquoi? Parce que maintenant les prières sont très collées, puis le Asr il est très tôt, donc pour certaines personnes ça convient pas, parce qu'ils ont des fois des choses à faire pendant la journée, puis si c'est trop tôt, ben malheureusement ils peuvent pas. Donc nous on va s'arranger comme ça, je pense que ça sera bon, Inch'Allah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك